Chant numéro 17. Rappelle-toi, lecteur, si jamais en montagne tu t'es vu tout à coup surpris par le brouillard, plus épais que ne l'est la taie aux yeux des taupes, rappelle-toi comment, lorsque la brume humide commence à s'éclaircir, le globe du soleil pénètre faiblement au sein de ses vapeurs. Et de cette façon, ton esprit parviendra à voir plus aisément comment j'ai retrouvé tout d'abord le soleil en train de se coucher. Puis, suivant pas à pas la marche dévouée du maître, je sortis hors de cette buée pendant que la lumière expirait sur les bords. Imagination, ô toi qui nous entraînes si loin de nous parfois, qu'on ne s'en rend plus compte, même si près de nous 100 trompettes éclatent, qui t'émeut quand les sens ne t'offrent nulle prise? Sans doute une clarté qui prend sa forme au ciel, seule ou par un vouloir d'en haut qui nous l'infuse. Soudain le changement de cette femme impie, transformée en oiseau qui chante mieux que tous, sur l'écran de l'esprit apparut comme une ombre. Et alors celui-ci se referma si bien sur lui-même que rien de ce qui lui venait du monde extérieur n'aurait pu le distraire. Et puis, sur mon esprit, tomba comme une pluie la vision d'un homme, orgueilleux et farouche, qui, mis en croix, mourait comme il avait vécu. Près de lui se tenait le grand Assuérus, avec sa femme Esther, le juste Mardoché, également intègre en parole et en fait. Et comme ce tableau s'était évanoui, se brisant de lui-même, comme il arrive aux bulles lorsque l'eau qui les fait commence à leur manquer, de mes rêves surgit certaines jeunes filles, pleurant amèrement, et qui disaient « Ô reine, pourquoi ta rage a-t-elle aimé mieux le non-être? Tu t'es donné la mort pour garder la vinie. Tu ne l'as pas gardée, et me voici qui pleure avant celui d'un autre, ô mère, ce trépas. » Comme le prompt rayon tombant sur les paupières décèle le visage et brise le sommeil, qui tout cassé frétille et se meurt doucement, ainsi mes visions s'estompèrent ensuite, sitôt que mon regard perçut une lumière plus grande que les feux dont on use ici-bas. J'allais me retourner pour mieux voir où j'étais, lorsqu'une voix me dit « C'est par ici qu'on monte ». Me distrayant ainsi de toute autre pensée, et faisant naître en moi si fortement l'envie de savoir quel était celui qui me parlait, que je n'eus pas de trêve avant de l'avoir vu. Mais comme le regard soutient mal le soleil, et l'excès de lumière empêche de le voir, ma force défaillit en sentant sa présence. C'est un esprit divin qui nous montre la voie pour aller vers le haut, sans se faire prier, et sa propre splendeur empêche qu'on le voie. Il agit avec nous comme on fait pour soi-même, car au besoin qui presse, on n'attend la prière que pour mieux préparer un refus malveillant. Mettons d'accord nos pas et l'offre qu'il nous fait. Hâtons-nous de monter avant qu'il fasse noir, sinon nous attendrons jusqu'au retour du jour. Ainsi parla mon guide, et d'un commun accord, nous partîmes tous deux vers certains escaliers. Et à peine arrivés sur la première marche, quelque chose passa, comme un battement d'aile, me frôlant le visage, et me dit « Beati pacifici », fuyant la mauvaise colère. Les tout derniers rayons qui font place à la nuit montaient déjà si haut au-dessus de nos têtes que l'on voyait pointer par endroits les étoiles. « Ô ma vigueur, pourquoi vacilles-tu si fort ? » me disais-je tout bas, car je croyais sentir la force de mes pieds m'abandonner soudain. Arrivé à l'endroit où finit la montée, en haut de l'escalier, nous restions sans bouger, semblables à la nef qui vient d'entrer au port. J'attendis un instant pour voir si j'entendais le moindre bruit venir de ce nouveau palier. Puis je me retournai vers mon maître et lui dis « Doux père, explique-moi, quelle espèce d'offense purge-t-on dans l'enceinte où nous venons d'entrer? Suspendons notre marche et poursuis ton discours. » Il répondit alors: « L'amour du bien, qui manque de pouvoir agissant, est ici redressé. C'est ici qu'on punit le rameur négligent. Mais afin de pouvoir me comprendre encore mieux, pense à ce que je dis, et tu verras ainsi que ce petit repos n'est pas sans avantage. » « Mon fils, poursuivit-il, jamais le Créateur et jamais le Créé n'ont été sans amour, naturel ou voulu, cela tu le sais bien. Notre amour naturel ne connaît pas d'erreur. L'autre peut se tromper si l'objet est indigne et s'il contient en lui trop ou trop peu d'ardeur. Aussi longtemps qu'il reste adscrit au bien premier et cherche sagement les autres biens seconds, il ne peut inspirer aucun désir coupable. Mais lorsqu'il vise mal, ou qu'il court vers le bien avec un souci moindre ou plus grand qu'il ne faut, il dresse le créé contre le Créateur. Tu comprendras de là que l'amour est en vous la semence à la fois de toutes les vertus et l'aiguillon premier des actes reprouvés. Or, sachant que l'amour ne saurait détourner son regard du bonheur de celui qui le porte, il s'ensuit qu'on ne peut se détester soi-même. Et comme d'autre part, on ne conçoit nul être existant par lui seul, si ce n'est le premier, celui-ci ne peut être objet d'aucune haine. Il en résulte donc, si je m'explique bien, que le mal que l'on aime est celui du prochain, que le fumier humain produit de trois façons. L'un pense quelquefois que la perte d'autrui serait un avantage, et c'est pourquoi son rêve est de le voir tomber du haut de sa grandeur. Un autre a peur de perdre honneur, puissance, gloire ou faveur, dès qu'il voit quelqu'un levant en poupe, et s'en afflige au point d'aimer mieux son malheur. Un autre est révolté par l'injustice, au point qu'il n'appartient à rien qu'à sa soif de vengeance, et pourchasse avant tout le mal de son prochain. C'est ce triforme amour qu'on déplore plus bas. Mais il te faut savoir qu'il en existe un autre, qui recherche le bien par des moyens pervers. Chacun porte en son cœur confusément l'idée d'un bien dont l'âme rêve et qui lui rend la paix. Partant, chacun s'efforce de s'approcher de lui. Si l'amour est trop lent, qui s'applique à le voir ou cherche à le gagner, c'est dans cette corniche qu'on en reçoit la peine après le repentir. Il est un autre bien qui ne rend pas heureux. Ce n'est pas le bonheur, ni cette bonne essence qui fait de tous les biens la racine, le fruit. L'amour qui s'abandonne à ce bien est la cause que l'on pleure au-dessus, dans trois cercles suivis. Mais comme une raison tripartite y préside, je préfère me taire et te laisser chercher. »